Par quoi? Radio Bouillave. Radio Bouillave, c'est Radio Bouillave, non? Bouillave, non. Bouillave. Radio Patapou. Radio Patatou. Patapou. Patapou. Ah, avec un... C'est en direct? C'est en direct, live. Direct, est-ce qu'on peut dire de la merde? C'est en direct. Ouais. On peut dire de la merde, tout le monde nous écoute. Je sais pas. Il y a personne qui écoute. Non, il y a personne. Merde. Merde. Et encore, ouais. Okay. J'aime pas les numéros. Hein. Quel numéro? Je connais le 0 et le 1. 0, c'est bien. Parce que ouais. Le 0 et le 1. Ouais, dans le cul. Pompa. Dans le cul. C'est un bon numéro, 0. Ouais. Pompa. C'est le noir des numéros. Les radios bouillables. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est jaune? Jaune. Il y a un rouge. Et un point rouge. On a un air noir. Quoi? Ouais. Rouge? Okay, ouais. Qu'est-ce qui est jaune? Ah, le son du feu. Non, c'est pas ouais. Ça. Ça a brûlé, hein? Attends, après, tu restes là. Après, on fait une interview, si tu veux. What? Après, on fait une interview, si tu veux. Interview. Interview. Ouais. Ah. Après, after. Avec question et... Non, oh, après, ouais. Trop difficile pour moi. Mais si tu veux parler, c'est... Ouais, après, ouais. Après quoi? Dans une heure ou deux. Après tout, after. Ça... Après quelque chose. Ouais. Tu fais... After. Tu fais... avec le... Les marionnettes. Hein? Là, ça. Yeah. Yes. Yeah. Thank you. Après ça, là, tu peux faire... Merci à toi aussi. C'est quoi ton nom? Hans. Hans? Non, okay. Non. Hans. Nico. Nicole. Ouais. Enchanté. Hans. Yeah,